the rivers of Babylon. There we sat down. There we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon. There we sat down. There we wept when we remembered Zion. J'ai mis ma vie à la gomme dans des guitares bubblegum. Ça paillait à mort dans mon décor. J'ai mis mon cœur pauvre bonhomme dans un joli métronome. J'ai quitté mon maillot de corps, qu'on voit mon corps. Écoute un peu la la la la la la la la la la la. Regarde un peu la la la la la la la la la la la. J'ai ramé pendant 10 ans dans un bureau pas marrant. Ils vont voir comme ça balance dans les assurances. C'est pas ce chanteur, celui qui est si beau en couleur. Envoyez la lumière et laissez-moi faire. Écoute un peu la la la la la la la la la la la. Regarde un peu la la la la la la la la la la la. Papa, maman, cette bulle qu'on zoome, un jour de faire boum. Je les mettrai plus jamais, mes pantoufles et mon béret. Faut changer de costard pour faire la star. Je passe des mimines, ça c'est chouette, et je fais des minominettes. Toujours complet, ça c'est beau dans mon dos. Risque-t-elle pas cette bulle qu'on zoom, zoom, zoom, zoom, un jour de faire boum. La la la la la la la la la la la. Écoute un peu.